wajam nom. Itu tu muzana cila zamanen, ada zamanen cila mpulim bawa zolin ke. Ego nengje mana bawa ka agi dolong. Iko abang tu ane mana ka yoku mula mesan solo. Aku mliom bawa yom pulim bawa si. Ibu ni gua bawa nukunu bulu. Beri jibe babi yen lomgar yen yen yen. Ane mencari zaman tu ane bawa ane. A bed and a money boy, the new lower pass solo. As a queen's album, don't make it. Money boy, sitting job, I'm in the one. I'm never better than Maslava. You must see the movie than the other one. Some from okay, you're what I yell. Oh, I'm going to buy a city hour. Job, I'm doing a couple of them more. I get you work. Il m'a soko. Il m'a voyen. Il y a wa wako. Il m'a la manokale. Son midi d'où n'a midi mou bam. A kobe n'a adju yin yin tap. Kabye ki n'a n'ken le. Anga gounne bobo n'en kebine yolane bopono. Ananga si le zah n'em djuye kebine angoni d'a o yon. Il y a une autre chose, je ne peux pas faire ça. Et dans le moment où je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Eh, bonne, no one, no one, eh, bonne. Voilà, I don't know, I will be back.